entendu en indicatif ou en intro, c'était Ringo Dead Star avec la chanson Waste. Alors c'est ça, et le Terminus, ben, c'est une émission qui est dédiée au rock indépendant, et ce soir vous allez entendre, entre autres, sur ma feuille devant moi, il y a du Slant 6, du Weekend, Giant Drag, le nom, Pink Mountain Tops, également du Petit Fantôme. On va commencer avec trois nouveautés, comme d'habitude, avec, pour vraiment commencer, un groupe de Toronto qui fait dans une espèce de pop rock. Il s'appelle Dinosaur Bones. Il sortait mardi dernier l'album Shaky Dream, duquel voici la chanson Dreamer's Song à l'émission Le Terminus. Did what I could. de Calgary, c'était Peer Support avec Panger. Ils viennent de sortir le EP Far From Here. Et je ne sais pas pour vous, mais la voix de chanteur hein, quand même de Peer Support ressemble pas mal à celle de Interpol. Et juste avant Peer Support, c'était Chinese avec Plasticine, qui est un nouveau EP. Non, en fait, Plasticine, c'est le nom du premier extrait du EP, qui va s'appeler Tangle, et qui va sortir le 12 août en Angleterre et un peu partout sur les internets. Et je vous rappelle que si vous voulez trouver la liste des chansons qui tournent pendant l'heure, ça se retrouve vers la fin de l'émission, en fait après l'émission, sur le CISM893.ca. On va continuer maintenant, bien, on a entendu trois nouveautés pour commencer l'émission. On va maintenant aller vers quelque chose d'un peu plus vieux, même qui date de 1994 avec la formation Slant Six, qui est un trio féminin de Washington. De l'album Soda Pop Rip-Off, donc qui est sorti en 1994, je le disais, on écoute la chanson 30-30 Vision de Slant Six sur les ondes de CISM. You liked as you walked down the stairs in the dark last night. You thought to yourself, why do I do this to myself? Will it always be like this? I'm a people I won't miss. I know I can sell myself for a higher price than this. I want to know if you feel anything at all. I want to know if you feel anything at all. I fell Spit It Out de Butter The Children, un quatuor de Brooklyn qui sortira un EP Truecom le 20 août prochain. Et c'est ça, Spit It Out, c'était le premier extrait qui est en écoute actuellement sur SoundCloud. Et c'était précédé de Jack Wynn avec deux N et sa chanson Feel Anything. Et j'ai trouvé Anything, j'ai rien trouvé sur lui sur les internets, à part qu'il se retrouve avec cette chanson-là sur la compilation qui s'appelle We Fopped Something in the Water, qui a été lancée en juillet par l'étiquette anglaise Philophobia Music. Donc, ça allait de ce côté-là pour peut-être trouver d'autres infos sur M. Jack Wynn. Et on vous l'avait un petit peu entendu, c'est maintenant le moment dans l'émission où je fais tourner des chansons un peu tendance shoegaze. On va en entendre deux dans les prochaines minutes. On va commencer avec encore une fois un groupe de Brooklyn. Il s'appelle Sua et il sortait à la mi-juillet Twins, qui est une espèce de collection de 5-6 chansons, qui est vraiment pas vilain du tout. On va entendre la chanson All You Have et ce sera suivi d'une nouveauté de Weekend qui sortait dans, je pense c'est cette semaine, l'album Jinx avec la chanson Oubliette. Mais on commence par, comme je le disais, Sua avec All You Have. Et jusqu'à 22h, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous. We'll be right back. Oh, c'était de la chanson sur les amis. C'était de leur album Jinx qui vient de sortir et qui faisait suite à l'excellent Sport qui est sorti en 2009. C'était, vous l'avez peut-être reconnu, Weekend avec Oubliette. Et maintenant, on va continuer avec d'autres choses. Maintenant, du Giant Drag. Ils ont sorti leur deuxième et dernier album en mars dernier. Et Giant Drag, qui est menée par Anne Hardy, elle fonctionne maintenant sous son propre nom, parce qu'il semblerait que Giant Drag donc, soit terminé. Ils sont en train de faire quelques derniers spectacles, mais ça sera terminé par la suite. Donc, je le disais, Annie Hardy travaille maintenant en solo, mais en fait avec d'autres musiciens, avec un projet qui s'appelle Annie Hardy and the Psychos. Et ça fait c'est une musique un peu plus lo-fi que Giant Drag, avec des paroles quand même assez drôles et crues à la fois. Vous allez le voir en écoutant. En fait, non, je ne vous fais même pas jouer une chanson de ce projet-là. Je me trompe. En fait, vous allez pouvoir l'écouter ça en vous rendant sur le anniehardy.bandcamp.com pour entendre le nouveau projet de Annie Hardy. Je me trompe parce que j'avais noté que je voulais, depuis un petit bout de temps, je voulais vous faire jouer une certaine chanson de Giant Drag qui est celle qui ouvre leur premier album Hearts and Unicorns. Donc, on écoute la chanson Kevin is Gay de Giant Drag sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Rugen! For Rugen! Please. Le groupe d'Olivier Langevin, c'était Galaxy et La Fièvre tirée de l'album Le Temps au point mort. Et avant Galaxy, c'était Le Nom avec Marie de Mai. Et je regardais ça avant l'émission, il n'y a pas l'air de se passer grand-chose avec le groupe Le Nom. En fait, je pense qu'il n'y a pas une nouvelle depuis une couple d'années sur leur page Bandcamp. Mais on sait que, entre autres, dans les rangs de ce groupe-là, il y avait entre autres Pascal DJ. Si vous connaissez. On va continuer avec encore des trucs qui groove, hein, parce que Galaxy, ça bougeait quand même un petit peu. On va continuer avec des gens de Vancouver, et en même temps, c'est du contenu canadien, donc c'est super. Ça va être Pink Mountain Tops et d'un album sorti en 2004, si je crois que c'est leur premier album même, ça sera la chanson Can You Do That Dance, et essayez de danser à l'émission Le Terminus. Can you do that dance? it's okay, you don't have to hide your face in this place. Face in this place. It's okay, you don't have to hide your face in this place. It's okay, you don't have to win. The past is okay. La chanson Stranger de la formation de Montréal, Smokes, qui accompagne une chanson qui accompagne une deuxième qui s'appelle Fine China, que vous pourrez télécharger sur le smokesmusic.bandcamp.com. Et Smokes, on peut dire qu'ils rock, mais avec des violons, donc quand même assez particulier. Et côté son, ils ont peut-être même des similarités avec un autre groupe local, Parlour, hein, un groupe qui sonne un peu de façon similaire et qui a ouvert peut-être la voie avant eux. On va maintenant, si vous, ça vous intéresse, on va terminer l'émission de ce soir avec la musique de Petit Fantôme. Il y a actuellement une chanson sur le palmarès, mais je vous invite a quand même jeté un coup d'œil ou une oreille à l'album Stave de Petit Fantôme. Ça vaut vraiment la peine. On va entendre la chanson qui ferme l'album. Elle s'appelle Couvre-moi. Et je vous invite à rester à l'écoute dans quelques instants. Zika Mendes va être là avec l'émission La MyFi. Et pour réécouter l'émission de ce soir, trouver la liste des chansons, ça va se retrouver dans quelques instants sur le CISM893.ca. Et les archives de l'émission, elles, c'est sur leterminus.ca. Alors c'est ça, on écoute Petit Fantôme. Et je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et on se reparle vendredi prochain, 21h, pour l'émission Le Terminus. Ciao! SiriusXM présente le 11e Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Au programme cette année, Blonde Redhead, Voivode, Gros Méné, Random Recipe, Mr. Valère, Rich O'Coin, Deglo Abortions, Groenland, Soons, Dead Obies, Mononc Serge et plusieurs autres. Pour plus d'informations sur la programmation, consultez le fmeat.org. Venez vivre l'expérience unique dont tout le monde parle et faites le plein de découvertes musicales au Festival de musique émergente du 29 août au 1er septembre prochain. Tes week-ends sont plutôt secs? Écoute les préliminettes. Le samedi, de 23h à minuit. This is Chris. And I'm Jason. And we're half of Death Cab for Cutie, and you're listening to the best college radio in Canada, CISM 89.3 FM. Et oui, il est facile de reconnaître l'été à Montréal, tout comme il est facile de reconnaître l'une des plus belles terrasses à Montréal. Surélevée, couverte comme ouverte, sous le soleil comme sous les étoiles, la terrasse du Tabasco Bar vous en fera voir de tous les styles, toutes les grandeurs et toutes les couleurs. Venez vous désaltérer avec notre nouveau menu d'été, un crostini, une salade ou une gazpacho. Rafraîchissez-vous avec un de nos tout nouveaux cocktails maison. La sangria des îles, le rêve, le Pink Elephant ou le Miami Vice. Tabasco Bar, resto, billard, lounge, club et terrasse. Rien que pour vos yeux. TabascoBar.com. MTL 2013, en collaboration avec Jagermeister. Du 9 au 11 août, au Parc Jean-Drapeau, avec Avenged Sevenfold, Rob Zombie, Megadeth et Godsmack. 3 jours de pur métal, avec Danzig with Doyle, A Day to Remember, Children of Bodom, Mastodon, August Burns Red et plus encore. Les passes de 3 jours sont en vente maintenant. Pour la programmation complète du festival et acheter des billets, visitez evmtl.com. Une production des Fenco. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Dépêche Mode en concert à Montréal. La tournée Delta Machine, le 3 septembre au Centre Bell. Une soirée électrisante avec le groupe phare des années 80, Dépêche Mode. Ne manquez pas Dépêche Mode au Centre Bell. Billets en vente maintenant au 1-855-310-2525 ou via evento.ca. Vous écoutez CISM 89,3 FM.